Allez, donc ce soir, notre Pop and Rock sera consacré à une session iTunes. Dans mon ordi, à ce jour, j'ai à peu près, enfin j'ai pas à peu près, j'ai exactement 6598 morceaux. Je me disais que ce soir, j'allais laisser iTunes faire ma programmation. Alors attention aux oreilles, parce qu'on va pouvoir passer de Interpol, notre groupe new-yorkais préféré, à Joe Jackson. Non, pas le père de l'autre, mais l'auteur de Steppin' Out. Allez, c'est parti. As warm as it used to be, and I'm still waiting for my last check. Candles burning, but the heater's broke. Why do the stations always go off? Let's drive, let's drive. I'm not tired. Picture used to be. Let's die. Let's die. I hear an engine on my road. Should I pretend that I'm not? Susie's waiting. Allez, pour ces premières sessions iTunes, donc, on a commencé tout à l'heure avec un morceau, une reprise originale du morceau mythique de Nirvana, reprise par le duo Offgang, je vous dis pas le titre, je pense que vous l'avez reconnu. On a enchaîné ensuite à l'instant avec Certaines Générales, dont le dernier album est sorti en 2010, je crois qu'il tourne encore, mais pas trop de nouvelles d'eux. Et puis, comme promis ce soir, on passe du post-punk de Certaines Générales au rock bobo new-yorkais de Interpol. Thank you. walking with gorillas down my street. From my window I'm staring while my coffee goes cold. Look over there, well, there's a lady that I used to know. She's married now or engaged or something, so I'm told. Is she really going out with him? Is she really gonna take him home tonight? Is she really going out with him? Because if my eyes don't deceive me, there's something going wrong around here. Tonight's the night when I go to all the parties down my street. I wash my hair and I kid myself, I look real smooth. Look over there, well, here comes Jeannie with her new boyfriend. They say the looks don't count for much, so there goes your proof. Is she really going out with him? Is she really gonna take him home tonight? Is she really going out with him? Cause if my eyes don't deceive me, there's something going wrong around here. Around here. But if looks good kill, there's a des années 2000, donc aux années 80. Ça, c'est une belle photo de ma bibliothèque iTunes dans laquelle on retrouve le chanteur au regard inquiétant de Men at Work avec le morceau qui s'appelle John Under. Traveling in a freighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. He was 6'4" and full of muscle. much to say. I said to the man, are you trying to tempt me? Because I come from the land of plenty. And he said, oh, you come from a land down under. Yeah, women go and men plunder. Can you hear the thunder? Ah, you better run, you better take cover.

comme rock. Une pluie de dollars ici, nous gagnons. Ici superstar, je suis gonflé à bloc. C'est l'enfant de l'art, c'est le phalacoque. Entre la star, on écoute un bloc, et son qui écarte me découpe l'art. Façon jambon. C'était donc notre Toulousain préféré, le Toulousain fou de Nouga York, qui est toujours en bonne place dans mes sessions iTunes, tout comme l'est également PJ Harvey avec son morceau Big Exit. Ça, c'est du grand écart, made in pop and rock. Place to stand. I'm scared, baby. De Portugal Men. Chacun de leurs morceaux est une surprise, un bonbon acidulé, du rock léger, composition toujours originale. Originale comme Radiohead, souvent copiée, jamais égalée. Même si moi je n'aime pas toujours, chacun ses choix, chacun ses goûts, on écoute Radiohead. Thank you.

Et oui, dans mes sessions iTunes, j'ai des perles rares comme le rock doux des Sad Lovers and Giants qui m'accompagnaient lorsque j'étais étudiant, comme il m'accompagne encore d'ailleurs aujourd'hui. À la même époque, j'écoutais d'ailleurs aussi Supergrass que je vous propose ce soir avec le titre Born Again. Et d'ailleurs, rappelez-vous, si vous voulez tous les titres passés ce soir, rendez-vous sur la page Facebook de Pop & Rock. En cherchant bien, vous trouverez les titres et plein d'autres merveilles. Thank you. finir en beauté notre première session iTunes, je vous ai offert à l'instant le groupe d'Anton Newcombe, le Brian Johnston Massacre. J'adore ce fou d'Anton et ses compositions, comme j'adore vous dire au revoir en compagnie de Robert Smith, de Cure, avec le morceau A Short Term Effect. Et sur ce, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous.